bingo libra. Je veux tu me bingo bingo bingo. Bingo bingo bingo. Bingo bingo bingo. Tu nourris ta, je me sens si bien dans tes bras. Je veux tu me bingo bingo bingo. Bingo bingo bingo. Ah. Bingo bingo bingo. Bingo bingo bingo. Bingo bingo bingo. Benga bonita, chérie ça met du temps. Ma femme, j'estime que tu mérites. Ma señorita, quelles sont tes limites? J'ai rêvé, rien entendu, et tu connais la suite. Hey, c'est pas la peine de laisser le show. Tu seras reine et je serai roi. J'connais mon thème sur le bout des doigts. Bingo, bingo, bingo. Tes nourritas, j'me sens si bien dans tes bras. Je veux tu me bingo, bingo, bingo. Je veux tu me bingo, bingo, bingo. Bingo, bingo, bingo. T'es la concurrente de personne. T'as conquis mon cœur, tu n'as pas idée. Je souhaite la mort de personne. Mais si quelqu'un t'approche, ça tu va pas aider. Je te suivrai six pieds sous terre, je t'ai validé.